j'ai mon imprimé, on trouve un pot de microbis, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs microbes. Et enfin, déjà en particulier, peut-être que le BRCA, celui de la tuberculose, c'est exceptionnel. Alors, du point de vue diagnostique, attention, c'est clair et net, il y a de la fièvre. C'est un patient qui fibrille, il y a une amas au niveau des cordons de droit, et jusque-là, on peut suspecter une polycystite, si vous avez sur le cou. Mais il y a quelque chose de plus ici, c'est l'altération de l'état général. C'est-à-dire qu'il y a un abcès profond et important qui a altéré l'état général, c'est-à-dire qu'il y a une asthénie, il y a une anorexie, même parfois un amaigrissement. Et enfin, des troubles digestifs. Ils ne sont pas spécifiques, à savoir des nausées, des vomissements, parfois des troubles du transit, à savoir des diarrhées, exceptionnellement des constipations. Les signes respiratoires sont possibles en cas où il y a une réaction pleurale. Il y a un abcès, par contiguïté, par réaction systématique, il y a un épanchement pleural de la face de voix. Et on aura du signe respiratoire, mais surtout une tour irritative et une douleur basée thoracique, c'est dû à un épanchement pleural droit réactionnel. Du point de vue toujours clinique, quand on examine le malade, on retrouve souvent une hépatomégalie. Allez, c'est un foie qui est augmenté de volume et qui est sensible, qui est douloureux. Et l'ictère, il est inconstant. Il est retrouvé dans presque la moitié des cas. Un ictère cutané, parfois un ictère biologique. Cliniquement, il n'y a pas d'ictère, mais quand on fait la biologie, il y a déjà une augmentation des globules de rubis, des agamagités. Et puis, plus ou moins, un syndrome pleuritique de la base de droite. C'est cliniquement, quand on examine le malade, on va détecter une matité de la base de droite anormale, une matité qui augmente jusque parfois le caractère de la au niveau du malleol. Et dans les formes cystisémiques, quand la cause généralement elle est artérielle, on a dit c'est une cystisémie, on retrouve généralement une splénomégalie. Et enfin, la cyste rarement associée, mais quand elle existe, c'est un mauvais pronostic. Et quand on demande la biologie, nous avons, donc nous retrouvons souvent un syndrome inflammatoire, à savoir une VS accélérée, une CRP positive, et un syndrome infectieux prouvé quand il y a une hyperleucocytose APN. Quand on demande une formule d'humérase entendue, on retrouve une hyperleucocytose à polyglycémie neutrophile. On retrouve aussi une anémie, mais généralement c'est une anémie inflammatoire, et une cytolyse. Une cytolyse, c'est-à-dire des transaminases qui sont augmentées. Pas forcément comme dans l'hépatite, mais ils sont augmentés à 2-3 fois la normale. Une hyperbilirubinie est notée dans 20 à 70% des cas de la monticulture, vous trouvez inconstant, mais il est retrouvé presque dans la moitié des cas. Et un taux de protombine qui est allongé, c'est-à-dire un TP allongé, que ce témoigne que déjà il y a une altération de la fonction hépatocellulaire, il est retrouvé entre 15 et 70%. De l'évolution de cet abcès. Et quand on demande la radiologie, généralement, on commence par un téléthorax et un abdomen sans préparation. Le téléthorax va objectiver dans certains cas voilà, un épanchement pleural d'avoir qui témoigne que déjà il y a une réaction pleurale et un abdomen sans préparation pour retrouver, on va rechercher parfois des calcifications au niveau de l'air hépatique. Mais souvent, les signes indirects sont peut-être un virus paralytique, des niveaux du gras sont trop généralement. Oui ? Comment ? Oui, l'opacité, mais elle est rarement objectivée, généralement, parce qu'il y a toujours un virus paralytique, il y a des gaz. Donc, les gaz font que ça ne se sollicite pas bien. Mais dans des certains cas, effectivement, on cherche une opacité au niveau de l'air, une opacité qui témoigne qu'il y a donc du liquide. Mais souvent, quand il y a cette anomalie à l'abdomen en préparation, généralement on retrouve une famille comme ça avec une double composante, l'aérique et les liquidiennes, dans cette masse hépatique justement, et qui témoigne qu'il y a déjà des champs anaérobes. C'est rare. L'échographie, donc, elle est parfaite pour le diagnostic de l'abcès. C'est un examen qui est mondain, qui est répétitif, qui n'est pas coûteux. Et donc, qui est à la portée de donc, la plupart des services d'urgence. Au début de la formation, les limites sont implicites parce qu'il est en train de se constituer. Il est plus échogène, c'est-à-dire qu'il est, du point de vue échogénicité, il est échogène, c'est-à-dire qu'il est blanc par rapport au reste du paroxysme. L'aspect typique, il existe une hypo-alipatrie. de diagnostic différentiel se pose avec les autres abcès parasitaires, notamment le dysplasie compliqué, et parfois avec une suppuration post-embolisation. Suppuration post-embolisation, c'est un geste thérapeutique quand on fait l'embolisation, on provoque parfois une ischémie d'une zone qui est parenchyme lymphatique. C'est une zone morte, ça ne peut pas être fatale. Traitement percutant. fait un drainage, on évacue le pus, on nettoie avec du sérum, avec la vitamine C, ça se capte là, on fait parfois les monstrates si c'est nécessaire, et puis on fait une nitrosectomie, on va enlever toute la nécrose, des tissus morts, comme ça on va les nettoyer, faire un, donc une nitrosectomie, puis on va prêter les lésions associées si bien existe, par exemple un foyer à côté, un AVC du colon, une polycystite, une appendicite, une syncopalgie, etc. Et puis, on va surveiller le malade, soit sur bien sûr faire un physique, biologique et radiologique. Les indications de drainage chirurgical, donc l'échec du traitement capillaire, que ce soit la ponction ou le drainage, les abscisses pratiques du pouvoir au cours du traitement chirurgical d'un foyer septique infra-abdominal ou d'un obstacle biliaire, et les abscisses non du paroi à contenu épais. Il y a des abscisses où le contenu est élevé, soit parce que c'est ancien, soit parce qu'il y a une prédisposition individuelle personnelle du malade, mais aussi parfois il y a des coques qui sont épaisses qu'on ne peut pas fonctionner soit au drain, soit à la ponction. Parfois c'est des coques qui sont cartoniques, calciques, on ne pourra pas fonctionner, donc on est obligé d'aller opérer. Ça c'est un exemple d'une contusion hépatique ici. Et puis, après quelques jours, ça c'est un hématome. Ça c'est un hématome, il y a du sang au niveau du foie. Et après quelques jours, normalement, on doit l'évacuer rapidement, mais malheureusement, on n'a pas été bien évacué. Il développe un abcès du foie. Voilà, vous voyez ici les gaz de qui sont pas de colonie lors du scanner. Là, c'est un exemple pour vous résumer. C'est un exemple, donc, les séquences de sepsis persistant chez un malade, déjà, ils ont un drainage biliaire. Ici, le drain est en place, il assure, effectivement. Mais parfois, ici, le drain, quand il passe pour drainer, ça, c'est les causes, il y a trop jeune. Hein. Ça, c'est un drain qui est placé pour drainer la bile, parce que le malade, il a un hyper, il y a un obstacle en bas. Donc, on place le drain pour justement améliorer, donc traiter la hyper, améliorer la minérale, et puis l'histoire. Ça, c'est une solution de sortage. Mais malheureusement, ce drain va obturer cette zone-là. Quand il va obturer cette zone, elle ne se draine pas, se draine plus, et donc il y aura une pulsation microbienne. La même chose ici. Il y a un obstacle ici, mais le drain, c'est vrai, il draine cette partie, mais ici elle est exclue. Un exemple donc de la fonction percutanée, ça c'est à l'échographie, la sonde va guider donc la portion, l'aiguille ou bien le drain, donc il met la sonde sur la voilà, et il suit, il penche l'aiguille avant, en arrière, avant, en bas, etc., puisqu'il tombe sur ça c'est des affaires d'une radiologie. Ça c'est les différentes étapes de drainage d'un abcès avec une technique simple, donc d'un drain. Soit généralement il est plié, vous voyez toujours la sonde d'échographie en haut. Donc il place, donc il introduit le cathé. Le cathé est devenu d'un grand drain métallique et dedans il y a un truc en plastique. Donc une fois le mandrin arrive au centre de l'abcès, il retire le mandrin, il a ce qui est en plastique, qui n'est pas traumatique. Et il va le coller à la peau et un sac collecteur. Ça va se vider doucement, on va pas aspirer, on va mettre en décanteur. Et on garde le drain en place jusqu'au nouvel contrôle échographique 24 heures après, 24 fois, 48 heures après. Quels sont les résultats? Dans les séries les plus récentes, le taux de mortalité de cette pathologie varie entre 0 et 24%. Ça reste quand même grave. La gravité, donc, ce risque est aggravé par la gravité du